voltamos Paulo Vidal, José Nunes, à procura do gol do Vitória, que está difícil de aparecer. Daqui a pouco serão 10 da noite no Cazaquistão, em Almaty, nesta partida da Liga Conferência. E aí, a bola no ferro, pontapé por parte, pareceu-me ser Bica, a arrematar de pé esquerdo, a acertar no ferro da baliza de Condrides. Arremate de pé esquerdo foi João Miguel Mendes, o homem que entrou no decurso. Ça vient d'en crétin, y'a pas de magie. Pour l'instant, on vient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les babies, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'épouse, c'est money, baby. Yo, Judah, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, baby, c'est tout droit. La carte des blocs, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judah, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, baby, c'est tout droit. La carte des blocs, disons alléluia. Da, da, da. Baby, je le talbini. Da, da, da. Vini, vini, batte me. Da, da, da. Drive it all Lamborghini. Da, da, da. J'ai une sous-sac. Corbe, da, da, da. Bam, et les bam, et plus les condamnés. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats. Allez, trop tard. Depuis le vent de rose, n'y a trop tard. Elle m'a dit je t'aime, mais c'est trop marrant. Si cette bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Yo, Judah, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, with me, baby, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Yo, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, baby, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Baby, je le termine. Vini, vini, pas de me. Ride all the morning. J'ai une sous-sac. Campé dans la dame. Bam, elle est bam, elle est bam. Full BBL, baby. Bam, elle est bam, elle est bam. J'ai une sous-sac. Campé dans la dame. Vini, vini, pas de me. Ride with all Lamborghini. J'ai une sous-sac. Campé dans la dame. Bam, elle est bam, elle est. Full BBL, baby. Bam, elle est bam, elle est. J'ai une sous-sac. Bienvenue à tous sur le 96.2. Si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 20h pour votre émission Groupe Tropical. Toute l'actualité musicale qui nous vient de la Caraïbe avec plein de nouveautés, mais aussi des coups de cœur, des coups de cœur rétro, du compas bien sûr, du zouk, etc., etc. Sur le 96.2, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée en ma compagnie. C'est Groupe Tropical. Et j'espère vivre mon timing. Sexy news. C'est un coup de pinceau. prolonger. Tellement où t'es prend plaisir à faire mon palgré les dangers. Si un jour on rencontre ma chance, même si la vous changez, mon palgré les dangers. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie. La FM en couleur. En couleur. C'est notre émission Groupe Tropical Vibe avec Auchan, Morane Boyer sur le 96.2. On aime bien ce genre de petites surprises. On continue comme ça avec Badouzouk, hein, à suivre Cassie avec Mon Amour et tout de suite après. Ah, petite nouveauté. Ah, tiens, à découvrir tout de suite. Votre émission Groupe Tropical jusqu'à 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Je sais, ce n'est pas ça que t'imaginais. J'ai beaucoup réfléchi à ça, tu sais. Et quand tout se mélangeait dans ma tête, un regard sur toi, chaque fois ça marche à tous les coups, je perds la tête. Souviens-toi quand je t'avais dit en sourin, oui en sourin. Pour moi c'est fait, t'inquiète, tu sauras, tu sauras. Je le sais, mon amour, je le sais, oui, je te

96.2. La FM en couleur. Beaucoup cette reprise sur le 96.2, c'était Johan Kalin sur le 96.2, votre émission Groupe Tropical. J'aime bien vous faire découvrir comme ça des petites nouveautés. Le jeune homme s'appelle Tony Magdalene. C'est un ami qui m'a fait découvrir son album. Je vous propose d'écouter tout de suite extrait de ton tout dernier jingle. C'est Lovely, c'est Tony Magdalene. sentiment. Si mwen ki la koz Ola, ola Mwen gen du mal aksepte ke se ex mwen ouye Kelke semen avan se te la vi an roz Mwen fe ou male ou pa merite Chak jou ap kritike ou an anje E tout sa pou yon limena, limena, limena Senti mwen haye mkone mpa fime Mwen senti mwen sou sa mba mwen glire Kounia mwen jwen na karma Mem le ou pa prepon Mespere wap tande Baby ou se oksijen mwen Ta prefere vive la glo Se la pou mrespire wakon Ou se sa ki nan ven mwen parce que vous passez un mauvais temps. C'est pas plus mauvais bagage qui arrive. L'idée pour la valace la mène à aller. Toutes les étoiles sorties, bête avec à chanter. Bagaille la vie n'est plus belle. Faut pas arrêter comme ça. Vous appelez gayasse. Les arrivés pour ramasser corps. La vie pété attendu. Mauvais, il vient péter tête, moi C'est qu'en souvenir sur le 96.2 de votre émission Groupe Tropical, il sera à Orne le 31 décembre prochain. C'est Jean-Luc Alger pour le grand réveillon créole organisé par l'association Tipiment. Souvenir, souvenir, un autre souvenir. Bien oui, c'est le titre de la chanson. En tout cas, c'est une nouveauté. La jeune fille s'appelle Calypso. On la connaît avec en duo Stony. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. C'était fait la promesse. Au final, on s'est éloigné. On ne voyait plus que nos défauts. Mais je pense encore à lui. On s'est rendu mauvais, c'est consolé. Guide-nous à comme il a voté. Que regarder toutes nos photos. Je l'ai.

Ah, c'est bon les souvenirs comme ça, hein. Tu as volé le groupe Tabou-Combo, bien sûr, vous aviez tous reconnu, vous les fanatiques. Sur le 96.2, tiens, spécial dédicace à Philippe et Véronique. Philippe, tiens, qu'on retrouvera très bientôt sur scène du côté du Cringe. Ça va se passer donc le 14 décembre, je crois qu'il m'a dit. Donc à partir de 19h, un concert avec son groupe, le tout nouveau groupe qui vient d'être formé, le groupe Frappe. 18h-20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Je te fais plein de bisous, Philippe, ainsi qu'à Véronique. Et merci de votre fidélité au 96.2. Alors, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce titre interprété par Rachel. Et bien sûr, vous aviez reconnu Pipo du groupe Class, c'est extrait de leur tout dernier album. L'album est sorti il y a juste une semaine, je crois, une semaine ou deux. En tout cas, tout l'album est excellent. C'est une bombe, carrément, mais alors carrément. Je suis désolée, je voulais passer une deuxième fois, c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, c'est tellement bon. Allez, restez bien calés sur le casse 96.2, je bafouille moi, ça m'a pas bon. Bon. 18h-20h, votre émission Groove Tropical. Te parler de ça, ça m'a pris du temps. J'ai trop écouté ma raison, ça fait longtemps que je cache mes sentiments. Et si je t'avais dit avant, j'ai dû soigner mon cœur. Souvent, je fais plus un foire à le faire. Mon bébé, c'est fini, je fais plus semblant. Je préfère te blesser que t'entir mon amour. C'est fini, c'est plus comme avant. Mais si tu m'avais laissé juste une chance, rien qu'une chance, rien qu'une chance, je ferais n'importe quoi pour t'avoir auprès de moi. Nous deux, ça n'arrivera. Je veux pas que tu sois un pansement pour moi. Moi je peux soigner tes bobos, ma chérie. Aucun ne vaut plus que moi. Entends-tu les mélodies, mais aucune ne parle de toi. Moi-même que je mens, pourquoi me taire? Cacher mes sentiments, je peux pas, je t'aime passionnément. Sache bébé que dans cette affaire, t'es le seul à y croire. Ou si Shanghai bébé, je ne vais pas pleurer. T'es le seul à y croire, il n'y a jamais eu d'histoire. T'es le seul à la vivre, si t'as mal, je suis désolée. Ne sois pas désolée, même si mille est dans le mal, pas la peine de forcer. Votre amour pillé, je ne serai pas celle que tu vas. Chérie, aucun ne vaut plus que moi. Entends-tu les mélodies, mais aucune ne parle de toi. La FM, la FM en couleur. Yeah. Bad girl, bad boy. 2024, nous pas débattre, puis bon, bon, clat, c'est one shot, don't talk. Hey, Nicole, deux. Sans caler, sans comment. Montez à l'aimer, pas bête, pas parler, bah nous, mauvais temps. Ces femmes-là disent, on sera assez vécu, nénéné. T'as coûté ces cochonnés, non, non, non. T'as coûté ces cochonnés, non, non, non, non. T'as coûté ces cochonnés, non. Toujours fait femme, compliment. Ok, yo, on l'a n'importe continent. Voyez, on paye en l'air, collina. Ça tellement beau, yo, crier mes monuments. Cassez, commandez, qu'on fait des chasses. Au seul, la molle, y'a qui pétasse. Pas vu ni qu'on fait quand on va me poser. Pour vous plaire, y'a deux oreilles, mon petit bail. Miguel, sans caler, sans comment. Montez, on l'aime, pas prête. Papa, parle pas nous, mauvais temps. Ces femmes-là disent, on sera assez vécu, ni ni ni ni. T'as coûté ces cochonnés, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Mi gyal dem, so call ya, so come on. Mo tell ya lemme, papeta, papa le balu, papeta. Se femme la di, on sera se bikini, nini. Pakoute se cochonne ya, nana. Pakoute se cochonne ya, nana, nana. Pakoute se cochonne ya, nana. Pakoute se cochonne ya, nana, nana. Thank you.

c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Arc-en-ciel, votre émission Groove Tropical jusqu'à 20h. Ah, vous êtes en forme ce soir. Moi aussi, je sais pas, il y a une ambiance, je sais pas d'où elle vient. En tout cas, merci beaucoup, je vous appelle. Et vos petits mots gentils, particulièrement Mariolaine, tiens, justement, en passant. Du coup, je sais même plus ce que je vais dire. Ah bah si, j'ai une petite annonce à faire. Le Club Antillais du Loiret organise le samedi 21 décembre prochain un grand chanté Noël de 15h à 20h à la salle de la patinoire du Baron. C'est gratuit, allez-y. Je vous jure qu'il y aura une très très bonne ambiance. Très très bonne ambiance de Noël. Du ambiance de Noël qu'on retrouvera également sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel dans une prochaine émission. Courant décembre. Voilà, je vous l'annoncerai au moment voulu. 18h, 20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. L'histoire sans fin a peut-être commencé hier. Un chemin sans âme s'était exploité. Yeah. Deux regards croisés qui n'ont pas pu se détacher. Yeah. Captivés l'un par l'autre, une affection diffusée. Yeah. Une attirance partagée, nos sentiments dévoilés. Yeah. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Sa te Place la ge place la Ponke Ding da kwan e bin pose Na fe no bay tout kote Tout kote Bin champion le nou ve Kake swa kote ne votre émission en groupe tropical avec Tiwai, c'était Pacatac, c'est une nouveauté, carrément. Tiens, comme celle-ci, si vous êtes fan de DJ K-West, c'est ben rien, c'est rien que pour vous. h 20 votre émission groupe tropical. Tu connaissais mon histoire, savais tout de mon passé, tu me voulais. Tu te laisses faire, j'ai laissé pour me prévenir des blessures. J'ai quitté vite, quitté pour mieux tourner la page. tease me, girl. C'est son raison qui fait d'amour. Work it, work it, work it, girl. Menez-moi dans l'autre world. Pas besoin de voler le carou. Hey. Your body, you look so amazing. Hot my fire, girl, you are blazing. Girl, you alone, I'm getting me a craving. Give it all to me, baby, no saving. The life when you whining non-stop. When you are flying on top. When you are screaming, madam, dim, baby, bumped up. Keep on pushing like that. Vous avez envie de fêter le nouvel an dans une ambiance tropicale? Rendez-vous à Orme, salle Rabelais, le mardi 31 décembre 2024 avec Tipiment pour un grand réveillon créole. Ambiance musicale assurée tout au bout de la nuit avec un plateau d'artistes. Les chanteurs martiniquais Jean-Luc Alger et José Versol et la talenteuse Béatrice Poulot, choriste de Cassave. Formule repas 75 euros et réservation obligatoire au 07 54 54 09 88. Everybody don't gather for table. Some for the rice, some for the turkey. But now this much of my life. And if you don't get to yo, I'ma make you come and get to yo. All the people where them get to yo, make you give the people where no get to yo. Because life now on, make you do one better. If you do for brother, brother do for sister. Oh, shit. Happy New Year. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Moi, mon foie triste, c'est moi. j'assume, je lève le coup. Je prendrai pas la route pour ni énergie. Tu m'excites, c'est dur dans mon Lévis. Au doum doum dans ton poum poum poum. Poum dans ton poum poum. Au doum doum dans ton poum poum poum. Poum dans ton poum poum. Oui, à quoi qu'on parle. Hasta dans l'amour. Tu y es vers moi si en carreau. Arc-en-ciel 96.2 de votre émission Groove Tropical jusqu'à 20h. Encore quelques petites minutes à passer ensemble. Pour ceux qui demandent mon numéro de téléphone, je vais pas vous donner le mien, mais je peux vous donner celui de la radio. Vous pourrez me rappeler qu'à partir de la semaine prochaine, par contre, maintenant, 02 38 43 48 00 pour demandez-moi un petit morceau de musique, j'essaierai de vous passer. Voilà, sur le 96.2 de la musique continue. On va terminer d'ailleurs cette émission avec deux morceaux de compas, deux nouveautés, un hommage d'abord avec pour Nemours Jean-Baptiste, extrait du tout dernier album de Zinglin, et puis tout de suite après le tout dernier Créola. Rico national. Rock, rock, à la bagarre. C'est rock, rock, ça va. Isabelle, est presque 20h sur les FM Toutes en Couleur. Il est bientôt l'heure pour moi de vous quitter. Mais avant ça, j'ai deux petites infos pour vous. Avec un rendez-vous important le 14 décembre au Crige avec le groupe Frappe qui propose un concert. Le groupe Frappe, c'est gratuit, hein, c'est à Orléans. C'est rue de la Chollerie, je crois que c'est ça qu'on m'a dit. En tout cas, n'hésitez pas à aller les soutenir, à les applaudir, à les écouter. Et puis, bien, le club antillais du Loiret organise samedi 21 décembre un grand chanté Noël. Là aussi, c'est gratuit de 15h à 20h à la salle de la patinoire rue du Baron. Rue du Baron, par là. À Orléans également. Et puis, bien sûr, notre grand réveillon du jour de l'an avec le groupe Tipi Membre. Donc, ça se passera à Orme, à la salle Rabelais. Donc, pour le grand réveillon créole, le 31 décembre. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite à tous une très, très bonne fin de soirée, un très, très bon début de week-end, parce que c'est demain. Et puis, bien, je vous retrouve jeudi prochain. Même heure, même ambiance, même soleil. Bisous à tous. Merci de votre fidélité à Radio Arc-en-Ciel. Au revoir. La FM en couleur. Só 41% de posse de bola, mas não foi capaz de manter essa constância a perder os duelos, a perder a forma como está no campo, no fundo, porque a equipa não está de facto organizada. Grande festa agora belga nas bancadas, estão a loucos de alegria os adeptos do Anderlecht. Tristan de Griff a fazer o empate, e por isso vamos lá, caro ouvinte, quando estamos a assinalar as 20 horas em Bruxelas, na capital da Bélgica. São 19 em Portugal continental e na Madeira. São 18 nas Ilhas de Bruma, nas belas Ilhas dos Açores. Transmitimos para o mundo inteiro onde se fala português. Ora, Lotto Park 54 de jogo. Anderlecht 1, Porto 1. Antena.